Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour un mag reportage aujourd'hui sur Radioactive. Le 23 mai dernier, la salle des cartes à Amboise s'est animée au rythme du tango et de la convivialité pour célébrer un anniversaire important, les 30 ans de l'association AGV. Depuis 3 décennies, AGV œuvre au quotidien pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées avec une approche humaine, respectueuse et innovante. Pour fêter cet anniversaire comme il se doit, l'équipe avait donc concocté un programme festif et participatif, démonstration et initiation au tango, exposition de portraits des aînés, présentation du futur relais sépia qui verra bientôt le jour à Amboise, le tout accompagné d'un goûter partagé dans la joie. Radioactive était donc de la partie et nous avons recueilli les témoignages de Sylviane Tremblay, présidente de l'association, Françoise Duvaux, vice-présidente, Aurélie Jouffré, directrice du pôle hébergement temporaire, ainsi que de ceux des bénéficiaires venus fêter ensemble ce bel anniversaire. Nous sommes donc à la salle des cartes à Amboise où AGV fête ses 30 ans aujourd'hui et nous sommes en présence de sa présidente, Madame Sylviane Tremblay. Bonjour Madame Tremblay. Bonjour Madame. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça représente pour vous aujourd'hui de fêter les 30 ans de cette association AGV ? Fêter les 30 ans de cette association, c'est pour moi, pour nous, le conseil d'administration, quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement émouvant, parce que pour nous, c'est avant tout une grande fierté, vraiment. Car à travers toutes les structures qui se sont construites au fur et à mesure et qui se sont déployées, AGV est restée fidèle à ses racines, à celle d'un territoire pour aider à innover, avancer et surtout prendre soin des personnes accueillies avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Alors à vos côtés, Madame Françoise Duvaux, qui est votre vice-présidente, vous partagez ce constat, Madame Duvaux ? C'est très important parce que ça permet de se répartir sur tout le territoire. Oui. Parce qu'au départ, c'était Descartes qui a commencé. Le premier relais sépia, voilà, il y a 30 ans. Hein, donc, et depuis, on a vu le petit chemin parcouru parce qu'on espère en faire un beaucoup plus grand. Voilà, que tout le département d'Indre-et-Loire soit maillé. Ce qu'on peut dire aussi, c'est voir la solidarité, la passion. Enfin, moi, c'est ce que j'ai remarqué, oui. Je le savais déjà, mais, là, c'était encore oui. Beaucoup plus fort. Au travers de, cette semaine-là, de l'ensemble des salariés de nos différents établissements. C'est vraiment formidable. Qui s'entraident, qui sont complémentaires. Voilà, et qui s'investissent énormément. Mais on a pu le constater d'ailleurs quand on est venu sur le territoire d'Amboise, en tous les cas le mardi, à la salle du foyer Malétrenne, où il y a Tango Connexion déjà, et où on voit Jennifer, par exemple, danser avec certains des usagers. Selon vous, l'impact principal de l'association sur la vie de toutes ces personnes âgées du territoire, quel a-t-il été ? Mais c'est avant tout, à mon sens, répondre aux besoins de nos aînés pour rompre leur solitude, leur isolement, et être le soutien, vraiment, le soutien très important des aidants qui aujourd'hui sont dans une grande souffrance. Voilà. On en parle beaucoup des aidants, mais en fin de compte, ceux qui en parlent ne savent pas le travail que l'aidant fait. Je pense que c'est toujours un peu, il y a un aidant. Et quand on parle d'aidant, on ne parle pas d'un professionnel qui est là pour aider. On parle de la famille, de l'entourage. La famille, hein. Ça peut être les enfants, ça peut être quelqu'un qui habite un peu un voisin, voilà. C'est ça. Mais un aidant très pris, c'est très important. Voilà. Moi, j'ai été aidante pour mon papa qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer pendant 15 ans, que nous avons gardé avec maman à domicile. Nous n'avons jamais voulu le changer de domicile. Et puis de ma tante, que j'ai pu garder chez elle, qui n'avait pas d'enfant jusqu'à ses 100 ans, moins 4 mois. Ah oui. Donc ce n'est pas un hasard si aujourd'hui on vous retrouve à la présidence d'AGV. Je connais très bien, alors même si je n'ai pas les compétences des professionnels, mais je sais combien c'est compliqué et combien c'est difficile pour les familles que nous accueillons de vivre ces périodes en tant qu'aidants. Voilà. Parce que c'est 24 heures sur 24, être aidant. On sait que vos équipes sont formées, hein. Tiffaine Trémel et Jennifer Cléto nous en avaient parlé lors de l'émission, mais voilà, il y a des formations pour aider à accompagner, ça ne s'improvise pas. Non, ça ne s'improvise pas, et c'est d'autant plus méritant, parce qu'il faut toujours, je disais tout à l'heure, faire un pas de côté, mais c'est s'adapter à chaque personne. On a chacun notre personnalité, et les personnes fragiles, les personnes malades aussi, donc on ne peut pas tout standardiser. Exactement. Non, parce que des fois, on dit, de toute façon, il y a sa femme qui l'aide. Enfin, c'est normal. Voilà. Donc, pourquoi faire intervenir quelqu'un d'autre ou pourquoi va... j'ai décidé d'aller une journée de répit, justement, accueillir comme ça pendant cette journée-là. Les dents ou les dentes, hein, parce que ça peut être l'homme ou la femme ou d'autres personnes, peuvent se reposer, peuvent faire autre chose, penser à eux. Fin de compte, souffler un peu. Au même titre, on pourrait faire le parallèle avec des jeunes parents qui, de temps en temps, aussi besoin de... Pourquoi ils mettent à la crèche alors que, des fois, c'est un peu ça. Peut-être que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas Caroline, là, en train de danser avec son époux Martin, aujourd'hui, le tango. Exactement. Voilà. Donc cet anniversaire, il marque les 30 ans d'AGEVI. Il marque aussi, aujourd'hui, la présentation d'un projet qui est attendu sur le territoire depuis un petit moment, le projet Sépia. Et pour en parler, nous sommes également avec Aurélie Jouffret, donc directrice du pôle de l'hébergement temporaire. Bonjour Aurélie. Bonjour madame. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler ce qu'est un relais Sépia et qu'est-ce qu'il va concrètement apporter sur Amboise ? Alors, le relais Sépia, c'est quelque chose que l'association AGEVI connaît bien, puisqu'il y a déjà un relais Sépia à Descartes qui est la base, la création de l'association, il y a 30 ans. Un relais Sépia aussi à Savigny-sur-Latan qui a ouvert il y a plus de 16 ans. Et Amboise, on va dire que c'est le troisième. C'est une structure médico-sociale, mais qui a pour vocation d'être le relais du domicile pour les personnes âgées. L'objectif, c'est que ça soit chaleureux, convivial. Et donc, c'est des petites structures qui sont pensées à taille humaine. Donc, on accueille 22 personnes. On n'est pas sur de l'accueil de jour, on est bien sur de l'hébergement temporaire. Alors oui, on est... Alors, je vais vous dire oui et non. Oui et non, parce que c'est donc de l'accueil temporaire, 22 personnes, mais c'est aussi le lieu où on regroupe l'accueil de jour, c'est-à-dire qu'il y a deux jours par semaine où on accueille du coup 12 personnes en plus pour de l'accueil de jour. Concrètement, on va se projeter sur Amboise, on a du coup le relais Sépia qui va ouvrir pour 22 personnes, alors personnes âgées, 4 places qui seront à destination de personnes situation de handicap vieillissante, donc à partir de 50 ans. Et on aura l'accueil de jour qui est aujourd'hui dans le quartier de Malétrennes. Il va du coup se déplacer et il viendra s'installer du coup au relais Sépia. L'avantage, l'intérêt, c'est de proposer le dispositif qui est adapté aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Et l'autre intérêt, c'est de faire progressivement accepter peut-être de l'accueil temporaire à des personnes qui auraient besoin par la suite d'en bénéficier. Et du coup, c'est un endroit qui visualise, qui pratique au quotidien et ça a beaucoup de bénéfices et d'effets quand on l'observe à Descartes et puis à Savigny-sur-Latan. Est-ce qu'il y aura quand même une mixité de public possible ? Puisque là, on voit que par exemple, au foyer Malétrennes, sur l'activité tango, il y avait une mixité entre le public accueilli par AGEVI, mais aussi un public qui n'est pas AGEVI. Est-ce qu'il y aura cette possibilité-là quand même au relais Sépia ? Sur les relais Sépia existants, on accueille déjà des personnes de l'extérieur sur des temps identifiés, où justement on va faire des rencontres intergénérationnelles, on va avoir des liens avec d'autres associations. Donc là, mon travail en ce moment, justement, c'est de rencontrer tous les partenaires, à la fois du social, du médico-social, du sanitaire, pour préparer cette arrivée qui est certes dans un an, mais pour le coup, c'est demain, ça va aller très vite. Voilà. Pour qui c'est un maillage très très important en fait. C'est ça. Bien écoutez, vous aurez déjà rencontré Radioactive pour qu'on puisse venir rencontrer les résidents. Avec plaisir, on vous accueillera. Avec plaisir. Donc ce sera aussi ce relais un espace participatif qui va viser à l'autonomie. Oui, exactement, comme les autres relais Sépia. Pour vous donner un exemple, on a une cuisine ouverte sur l'espace salle à manger où ainsi les résidents peuvent participer à la réalisation des repas ou tout simplement être assis, avoir respiré les odeurs de cuisine et pouvoir avoir cette envie de venir manger parce que parfois c'est important quand on est isolé chez soi, on s'oublie, on mange plus. Et la participation passive a autant d'importance que la participation active. Donc toute la démarche en fait c'est la philosophie carpe diem où ce principe de comme à la maison c'est de regagner l'autonomie ou du moins de la maintenir et refaire les gestes qui sont oubliés. Tout à fait. Ben, bravo pour ces belles démarches, ce beau dispositif que vous portez chacune à bout de bras avec toutes vos équipes. Eh bien, mesdames la présidente Sylviane Tremblay, madame Françoise Duvaux, vice-présidente, et Aurélie Jouffré, directrice du pôle de l'hébergement temporaire, on va vous laisser aller danser le tango à présent. Merci. Merci à vous. Non, non, mais... Joyeux anniversaire. Bonjour mesdames, vous fréquentez Agélie ? Je crois que c'est la première fois que je viens. Et ça vous a plu ? Oui, c'est très bien. D'accord. C'est intéressant, c'est varié, puis on voit du monde. Est-ce bien. Que vous avez dansé ? Oui, j'ai dansé un peu, oui, j'aime bien. Il y a longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Vous aussi, madame, ouais. Vous venez régulièrement sur des activités d'Agélie ? Oui. Et ça vous plaît, ça vous occupe, ça, qu'est-ce que vous y trouvez, en fait ? Ça me sort de chez moi, ça voilà. Permet de parler avec des gens. C'est... On rencontre du monde. Oui, c'est convivial. Ça brise la solitude, oui. Parce que moi, je vis seule. Donc, vous reviendrez ? Oui, bien sûr. Madame, vous avez dansé ? Pareil, moi aussi, j'aime ça. Vous venez régulièrement ? Oh, régulièrement, c'est vite dit, mais ça s'est un petit peu tassé maintenant, parce que les années font que... Ah, ben oui. Hein, ah, ben, on manque de souplesse. on manque un peu d'électricité. Hein. Mais ceci dit, on se voit souvent quand même. Hein. Oui. Eh bien, merci, mesdames, pour ces petits mots. Vous allez pouvoir aller manger votre part de gâteau et le petit verre qui va avec. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 30 ans d'existence, ça marque. Après cet après-midi festif et riche en échanges, Agélie a rappelé l'essence de son action, accompagner l'âge avec bienveillance, créer du lien et faire de chaque moment partagé une source de vie. Le relais Sépia en cours d'implantation à Amboise vient poursuivre cette dynamique en faveur d'un accompagnement toujours plus proche, plus humain. Un grand bravo à toute l'équipe et aux bénévoles d'Agévie pour ce moment chaleureux et inspirant. C'est la fin de ce mag, on se retrouve dès demain à 18h pour une nouvelle édition.